D'après le décret du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, publié le 17, Chun Kwang-ho est nommé vice-premier ministre du gouvernement.